mode et pas plaisir, être prêt pour vous, s'ouvre les roses, que toi rêveras d'autre chose. Voulez-vous bien ne plus dormir? Et pas plaisir, être prêt pour vous.